Et yo Flo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point. Moi, je suis toi à 20 ans, tu t'en souviens? 1 plus 1 égale 1, au fond on est les mêmes, tous les deux. Quand tu regardes dans un miroir, on se regarde dans les yeux. Ça fait bizarre de te parler, on est un peu schizophrène. As-tu tenu les promesses qu'on s'était faites? Y'en a plus d'une centaine. Éviter l'alcool et la drogue, restez sain. Éviter la pop et la mode, restez simple. As-tu retourné la France? Tes rêves sont-ils partis en cendres? As-tu la chance d'avoir un fils ou une fille qui nous ressemble? Ce son est une porte vers le futur, une avancée sur ma route. Rassure-moi, car en ce moment je t'avoue que j'ai pas mal de doutes. Je parie que t'aimes le café, t'as moins de cheveux, plus de barbe. Et si ça se trouve, tu trouves les casquettes nasses, t'écoutes même plus de rap. Non, j'espère pas, fais pas ça, t'as pas le droit et tu le sais. Et pour les femmes, j'espère que t'as pensé à nous muscler. Arrête de te moquer de moi quand tu tombes sur mes photos, car si je pouvais voir les tiennes, je rigolerais avec mes photos. Va voir nos parents, dis-leur que je suis toujours leur enfant, que si plein de choses chance, elle ne change jamais avec le temps. Viens rendre visite à mon fantôme dans les rues de ta ville. Flo, as-tu trouvé la femme de ma vie? Il est toujours à nos côtés, passe le bonjour à Oli. Et puis le troisième couplet, ben c'est à toi de l'écrire. Devant le miroir, je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles, le soir, ne me répondent pas, il me tarde d'être toi. Toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles, le soir, ne me répondent pas, il me tarde d'être toi. Toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Devant le miroir. Devant le miroir. Le temps passe vite, c'est dur, j'ai 18 ans. Maintenant tu dois en avoir le double. J'écris hésitant au futur, ton présent, soulevant mes doutes. J'allume une bougie, j'espère que tu la verras briller. J'ai caché cette lettre, enfouie au fond du sablier. Oli, t'es sensible, car c'est temps si j'ai peur. M'en veux pas, je suis sûr que t'as grandi grâce à mes erreurs. Je m'en fous si j'ai des rides, du moment que t'as le sourire. Par contre, si j'ai pris du bide, faut vraiment que t'ailles courir. Reviens rapidement en arrière, le cimetière, puis le berceau. Si ça se trouve, tu veux plus m'entendre, t'as même jeté ce morceau. Alors y'a quoi plus tard? Est-ce que notre vie en vaut le coup? Franchement, réponds, car si c'est non, je nous fous en l'air. Maintenant, si tu galères, courage, promis, je mets de côté pour ton loyer. T'as pris de l'âge, est-ce que pour te parler, je dois me vous voyer? T'es resté proche de mon frère, de notre frère, de ton ange gardien. Je te rappelle, tu disais être célèbre, ça ne changera rien. Pendant que tu les pleures et que t'appréhendes demain, moi je profite et je ris avec ceux qui t'ont quitté sur le chemin. Sois fort, Oli, voilà ce que je voudrais dire. Si tu pouvais m'entendre, j'avoue, je t'envie. Tu sais déjà tout ce que je dois apprendre. Je souris en t'imaginant père de famille. Rappelle-toi de l'époque où tu kiffes l'hip-hop pour en perdre la vie. Avec qui je me suis marié? Une blonde, une brune, je sais pas. Et puis c'est drôle de me dire que je la connais peut-être déjà. J'espère que t'as atteint mon but, parce qu'aujourd'hui j'y compte bien. Et de nos potes avec qui on traînait, il en reste combien? Promis, je profite de notre vie, on a tant de choses à se dire encore. Mais attends, Oli, t'es là? J'espère que t'es pas mort. Devant le miroir, je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles, le soir, ne me répondent pas, il me tarde d'être toi. Toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles, le soir, ne me répondent pas, il me tarde d'être toi. Toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Devant le miroir. Devant le miroir. Devant le miroir, un séjour, on se donnera rendez-vous. Et yo, Flo.